Le Dieu que nous invoquons chaque matin à OSB, c'est un Dieu qui est capable d'accomplir de grandes choses. Je vais te parler à toi, mon frère. Laisse-moi te dire que ton problème est petit aux yeux de Dieu. Lorsque tu regardes ton problème, tu te sens écrasé. Mais laisse-moi te dire, regarde à Dieu, cesse de considérer tout ton problème. Commence à louer le Seigneur, commence à l'adorer. Il va te transporter dans une dimension où tu vas voir sa grandeur, tu vas voir sa puissance et tu verras que ton problème là qui te tracasse est petit. Qu'est-ce qu'un million aux yeux de Dieu? Il est capable de te donner fois deux. Oui, consacre-toi à lui, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Apocalypse 1, 1 à 3. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 1, 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce texte du livre de l'Apocalypse. La première vérité, c'est que Dieu est capable de nous révéler les choses à venir. D'ailleurs, c'est ça l'essentiel du livre de l'Apocalypse. Il fait partie de ce qu'on appelle les livres prophétiques, les livres qui annoncent les choses à venir. Nous ne devons pas être négatifs vis-à-vis de la prophétie. Il y a des gens qui ne croient pas à la prophétie. Oui, c'est vrai. Dans l'aspect prophétie, il y a prédiction, il y a aspect aussi prédication. Mais nous ne devons pas être négatifs. Dieu est capable de révéler des choses à venir. Dieu est capable de te révéler, toi qui cherches un mari, une femme. Il est capable de te révéler avec qui tu vas te marier. Il est capable de te révéler ce qui arrivera dans ta famille. Il est capable de te révéler ce qui arrivera dans ton église. Il est capable de te révéler même ce qui arrivera au niveau de ton pays. Vous voyez, nous devons souvent être disposés. Parce que c'est un Dieu qui connaît l'avenir. Il connaît le passé, il connaît le présent. La Bible déclare que Dieu sonde le cœur et les reins. C'est pourquoi nous devons toujours chercher sa face. Il dit dans sa parole, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Mais pour que tu puisses connaître les projets de Dieu, il faut que tu apprennes à chercher sa face. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien, tu t'attends, tu ne sais même pas ce que tu dois faire dans ta vie. On t'a dit, quelqu'un t'a dit que tu seras pasteur, tu vas servir le Seigneur, et toi tu cherches le travail par-ci, par-là. À un moment donné, tu as commencé à faire le commerce, à un moment donné, tu as commencé à faire les taxis. Mais ça ne marche pas, tu tâtonnes, mon ami. Quand c'est comme ça, il faut que tu arrêtes tout. Va en retraite, tu vois, non? Va en retraite pour chercher la face de Dieu. Il est capable de te révéler l'avenir. Parce que celui qui connaît, sait à quoi il t'a appelé. Est-ce que tu comprends? Celui qui connaît toutes les choses, il est capable de te révéler. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être que toi, tu ne connais pas ce qui va se passer. Tu ne connais pas ce qui va se passer dans un mois, dans six mois, dans un an. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Pourquoi? Je vais parler à une sœur. Regarde-moi, il ne faut pas forcer les mariages avec ces garçons-là. Vous vous êtes fiancés, ça fait plus de deux mois. Mais à un moment donné, ça ne marche pas. et tu cherches à forcer. C'est Dieu qui connaît. Toi, tu ne connais pas si c'est lui le mari que Dieu a choisi pour toi. Si tu vois qu'il y a incompatibilité, ne force pas les choses. Parce que c'est Dieu qui connaît l'avenir. Deuxième leçon. Dieu utilise ses serviteurs pour nous avertir, pour nous révéler certaines choses à venir. C'est ce qui s'est passé ici avec le livre de l'Apocalypse. Parce que Dieu se révélait à Jean. Lorsqu'il était dans l'île de Patmos, pendant un moment de tribulation, je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que c'est souvent dans des moments difficiles que Dieu peut te révéler de grandes vérités? Oui, je parle à quelqu'un. C'est pendant des moments difficiles qu'il peut te révéler. Mais Dieu utilise ses serviteurs. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les hommes de Dieu. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu connais des moments difficiles. Mais il ne faut pas rester dans ton coin. Va partager avec ton père spirituel. Va partager avec ton pasteur. Parce que souvent, si quelqu'un t'aime, si Dieu a placé quelqu'un sur toi, il est capable, il l'utilise souvent pour te parler. Il est capable de te révéler. Dieu a révélé à Jean des choses qui devraient arriver. Des choses qui devraient, les avertissements concernant son église, les choses concernant le temps de la fin, concernant le retour de Jésus, les choses concernant même l'Empire romain à l'époque, vous voyez? Donc, ne méprisons pas les serviteurs de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Ces derniers temps, tu as connu des problèmes. Et souvent, lors des prédications, le Seigneur te parle. Il ne faut pas dire, bon, pourquoi le pasteur a prêché telle chose? C'est parce que quelqu'un lui a signalé. C'est Dieu qui t'avertit par l'entremise de ton pasteur. Ne te révolte pas. Il ne faut pas dire, pourquoi il a parlé de mon cas? Tu vois? C'est Dieu qui t'avertit. Prends au sérieux ses avertissements. Il est dit ici, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent t'arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez ces choses-là qui sont écrites dans l'Apocalypse. Dieu a envoyé son ange. Il a fait connaître ça à Jean et Jean les a mises par écrit pour que nous puissions avoir ces choses-là. Vous voyez? Donc, nous devons prendre au sérieux certaines révélations que les hommes de Dieu nous donnent. Bien sûr, nous devons les examiner pour voir si c'est vrai ou pas. Mais nous ne devons pas les mépriser. Troisième vérité concerne notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y a trois choses ici. Nous devons apprendre à lire, deuxièmement à entendre, troisièmement à garder. Vous voyez, il est dit ici, au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent, lire la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un. Toi, tu négliges souvent la lecture. Dieu nous parle souvent par ses écrits. Il faut prendre au sérieux et tu dois apprendre à lire la Bible. C'est bien d'aller dans l'église où on prêche, dans une retraite, ou bien d'écouter des révélations, ou bien des visions. Mais tu ne dois pas considérer toutes ces visions au même titre que la parole que Dieu a mise par écrit. Ne néglige pas. Il faut apprendre à lire. Ce n'est pas pour rien que Dieu a inspiré aux auteurs bibliques. Il nous laisse cette parole par écrit. Il faut lire. Si tu veux être heureux, il faut lire la parole, lire, la méditer chaque jour. Deuxième attitude, il faut entendre. Vous voyez, il y a l'aspect lecture, mais il y a l'aspect entendre. C'est-à-dire, c'est souvent ici l'aspect de la prédication. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, tu dois aimer cela. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois aimer les enseignements. Je vais parler à un chantre, mon ami. Tu es en train de vivre un moment difficile parce que tu ne te rends pas compte. Ce qui te préoccupe, c'est lorsqu'on t'invite pour aller chanter, tu vas chanter par ici, tu vas chanter par là, on te donne ce qu'on appelle communément cachet, l'argent. Lorsque c'est le temps de la prédication, toi, ça ne t'intéresse pas. Mon ami, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas exercer un ministère sans être accroché à une église où on peut te nourrir, où tu peux être assis, où on t'enseigne la parole de Dieu. C'est dangereux. Il faut que tu apprennes à écouter, c'est-à-dire à suivre les enseignements bibliques qui peuvent t'aider dans ta marche chrétienne, dans la croissance chrétienne. Troisième attitude, il faut garder. On dit, heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Quand on parle de paroles de prophétie ici, il s'agit plus précisément de la prophétie écrite. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui se trouve dans la Bible là, tout le contenu biblique, c'est la parole de la prophétie. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement les prophéties où les gens disent « Oui, je prophétise que voilà, telle chose va arriver. » Vous voyez, on parle ici, on insiste surtout sur ce qui est écrit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas donner la même valeur à ce que les gens donnent comme révélation. Ça ne peut pas remplacer la Bible, ce qui est par écrit. Vous voyez, quelqu'un aujourd'hui ne peut pas ajouter, par exemple, au livre de l'Apocalypse, un autre livre. Quelqu'un qui reçoit des révélations, même si c'est un grand homme de Dieu, mais ça n'aura pas la même valeur que ce qui est écrit. C'est pour dire que si quelqu'un te donne une révélation, il dit que Dieu m'a révélé de faire telle chose, telle autre chose, tu dois comparer avec ce qui est par écrit, déjà dans la Bible. Si tu remarques qu'il y a une contradiction entre la révélation qu'il te donne et ce qui est déjà écrit dans la Bible, mon ami, c'est que sa révélation qu'il te donne là n'est pas bonne. Est-ce que tu comprends? Je donne un exemple simple. Dieu montre que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Maintenant, si quelqu'un, toi qui es marié, quelqu'un te donne une révélation, il te dit que le mari avec lequel tu vis, la femme avec laquelle tu vis, c'est-à-dire que vous êtes marié légalement. Il te dit que ce n'est pas le mari de la volonté de Dieu. Il faut te séparer. Dieu m'a révélé une autre femme. Mon ami, ça là, ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, ça contredit la parole de Dieu. Faisons donc attention. Donc, nous devons garder. Ici, le verbe garder, c'est-à-dire mettre en pratique, appliquer ce qui est écrit. Lorsque tu écoutes une prédication, lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas seulement pour que tu puisses avoir la connaissance, mais tu dois apprendre à appliquer cela, à obéir à ce que Dieu te demande. Oh, que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer ce matin en chantant ces cantiques. Chaque instant. suis tombé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour du vent. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons l'Éternel. Te bénissons, Éternel notre Dieu, toi devant qui rien n'est caché. Tu es le Dieu omniscient. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni, notre Père, notre Seigneur. Toi, le Dieu qui nous a appelés et qui nous a révélé des choses cachées. Oh, nous te bénissons, toi qui veux que nous puissions les révéler aussi aux autres. Merci de nous aider à annoncer ta parole jour après jour avec joie. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Toi, le Dieu qui nous aide à aimer ta parole, à la garder et à l'appliquer dans nos vies. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous éclaire. Oh merci, notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous donne la vie à travers ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Oh, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous te magnifions, nous te glorifions. Toi, la parole faite chair, reçois en ce moment l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte du jour, c'est Apocalypse 1:1-3. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération Sous la Brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités. La première vérité, c'est l'important de la révélation, de la prophétie. Le livre Apocalypse, c'est un livre de la révélation. C'est le livre où Dieu a révélé les choses à venir. Oui, nous allons prier le Seigneur. Il est capable de nous révéler des choses à venir. L'avenir de manière personnelle, l'avenir concernant ta famille, l'avenir concernant ton pays, l'avenir concernant tes études. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il lui seul puisse nous orienter concernant notre avenir. Il dit, il connaît des projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Prions le Seigneur. Sur la brèche. Notre Dieu, tu règnes encore, tu règnes et tu régneras. Merci parce que tu es un bon père, tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Merci parce que notre avenir est en toi. En dehors de toi, Seigneur, notre vie n'a point de sens. En dehors de toi, nous ne pouvons pas réussir. En dehors de toi, certainement, nous n'allons pas vivre aujourd'hui. Car c'est toi qui combats pour nous, c'est toi qui veille sur nous, c'est toi qui mène nos pas, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous ouvre les portes, c'est toi qui nous donne la santé, c'est toi qui nous nourrit, c'est toi qui nous fait avancer, c'est toi qui nous donne ce dont nous avons besoin et que nous rendons témoignage. C'est pour cela, Seigneur, nous croyons en toi. Donne-nous de nous focaliser, donne-nous de marcher dans la direction divine, donne-nous de marcher dans la vision. Père, tu connais notre avenir. Tu sais ce que nous sommes faits pour le lendemain. Tu sais ce que nous allons faire. Rien ne t'étonne. Rien n'est étranger devant ta part. Rien n'est étonnant de ta part. C'est pour cela que je bénis ton nom. Parce que tu nous façonnes par ton esprit à aller de l'avant, à progresser. Tu nous pousses à rencontrer l'âme sœur. Merci Père. Tu nous pousses à avoir le travail qu'il faut. Tu nous pousses, Seigneur, à avoir le partenaire qu'il nous faut dans notre entreprise. Tu nous mènes en les pas aujourd'hui pour que nous soyons là où il faut pour échapper aux incidents ou aux accidents. Merci Papa, parce qu'avec toi, nous allons, nous progressons, nous sommes dans le succès, nous vivons dans la victoire, nous avons la joie parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour qui nous inonde. En retour, nous te retournons toute la gloire pour toutes tes multiples actions dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu utilise ses serviteurs pour nous avertir et pour nous donner certaines révélations. Donc, ne méprisons pas les prophéties, ne méprisons pas les avertissements que les hommes de Dieu nous donnent, mais nous devons les examiner. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que Dieu a révélé à Jean. Il a donné des révélations sur les choses à venir par rapport aux événements du temps de la fin. Prions le Seigneur pour les hommes de Dieu, pour que le Seigneur puisse les utiliser pour nous communiquer des révélations concernant notre vie, concernant la nation, concernant même le monde, au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu parce que tu as dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Nous voulons te supplier ce matin de susciter des vrais serviteurs, des vrais prophètes, des vrais pasteurs, des vrais évangélistes, des vrais docteurs. Maintenant Seigneur, tu dis de ne pas mépriser les prophéties. Ta parole tout entière, toutes nos prophéties. Amen. Et tu as suscité des hommes qui prêchent, qui enseignent selon ton esprit, qui sont conduits par ton esprit. Et des hommes écoutent quand cette parole, cette prophétie résonne. Que des hommes qui entendent, acceptent, reçoivent et mettent cela en pratique. Notre Dieu, notre Père, elle est prêchée à des hommes. Elle tombe dans des bonnes terres. Et que ces terres, notre Dieu, produise au centuple des fruits. Nous recevons pour donner. Nous recevons pour reproduire. Nous recevons pour nous humilier. Pour obéir. Et mettre en pratique cette parole qui est cette prophétie. Suscite des hommes. Et que des hommes reçoivent et mettent cela en pratique. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir. Et que cette prophétie tombe dans la bonne terre. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir trois attitudes positives que nous devrons avoir par rapport à la parole de Dieu. Nous devons apprendre à lire régulièrement la Bible, entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire suivre les enseignements, les prédications, et mais nous devons surtout garder la parole de Dieu, c'est-à-dire obéir. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à appliquer ces trois choses au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute chose a été faite par ta parole. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ta parole. C'est pour cela, au commencement était ta parole. Seigneur, en tant que fils du royaume, en tant que tes enfants et tes serviteurs, donne-nous chaque jour, oui, de nous bercer, de lire la parole, de méditer ta parole. C'est pour cela, d'ailleurs, Seigneur notre Dieu, que nous avons une émission de méditation. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de nous conformer à ta parole, de mettre ta parole en pratique, de ne point nous borner seulement à l'écouter, mais de mettre sur toutes tes formes la parole de Dieu en pratique. Donne-nous d'obéir à cette parole. Donne-nous d'obéir à la révélation de cette parole. Donne-nous d'obéir à la prophétie de cette parole. Donne-nous d'obéir aux commandements et lois de cette parole. Seigneur, ta parole est un feu dévorant. Que cette parole agisse en nous. Que cette parole produise des fruits en nous. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, nous donne un changement de niveau. Que cette parole qui est une prophétie, Seigneur, amène l'accomplissement de notre destin. Saint-Esprit de Dieu, merci Père, parce qu'en ce jour, tu nous donnes de lire, tu nous donnes de méditer, tu nous donnes de mettre la parole en pratique et tu nous donnes de vivre selon ta parole. Merci de changer la vie de quelqu'un en ce jour. Merci de permettre à quelqu'un de prendre une très bonne décision en cette année, de faire ces choses afin que sa vie aille de gloire en gloire, de santé en santé, de grâce en grâce et de bénédiction en bénédiction. Merci, nous te retenons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. À titre de rappel, rencontre de couple bonheur conjugal pour ce dimanche 17 janvier 2016 à partir de 17h au Supper. L'entrée est libre. Le thème, la réalité du combat spirituel dans la famille ou dans le mariage. Dîner gala bonheur conjugal pour le vendredi 29 janvier 2016 à partir de 18h30 à Bellecote. Les tickets sont déjà disponibles à la radio Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. Par son bras puissant.